Mais c'est un mec à rencontrer. Je pense d'ailleurs qu'on va le faire visiter dans quelques semaines. Les gens viendront à Paris. Tu auras train plus visite de Razos. Ça, c'est sympa. Pendant que tu vas, produit plus original. Un peu différent et encore une fois, qui va montrer que je ne suis pas grand public. Ah, visiter Razos, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le parc Euro Disney ou le Louvre. Razos, c'est une autre façon d'aborder la vie. Tu vois, plus... Enfin, lui, à l'origine, sa famille, enfin nous, on descend tous du singe, mais chez Razos, il descend de l'arbre. Mais c'est pas le singe qui descend de l'arbre. Lui, ses racines sont dans la terre. Mais pourtant, il ne vient pas d'une famille d'agriculteurs.